C'est moi, je ramène le butin, le détail, la bataille, la médaille. C'est moi, je travaille au charbon, en mission, addition, finition. Je suis dans un taudis, hier j'étais dans le bat. Je suis défoncé, je danse comme un macaque. Là, c'est plus seul, ils veulent de la patate. J'ai plus rien, je t'envoie un autre contact. Double contact, vu que j'ai double WhatsApp. Là, c'est pas bien, c'est plat, je peux te l'envoyer dans l'acte. Ton plan que t'as planté, pour un plan sous, moi je suis dessus. C'est pas la peine de faire la censure. Dans le bâtiment, ouais. Oti, Oti, Bob, oui, je les veux, je t'ai dit Bob, je suis dans les airs. Cadillac, John Cooper, j'ai vesti les méchants de la zone, je découpe, coupe, coupe. Sors l'ennemi hier et réchauffe la cuillère, y'a les zombies. À chaque coin de ruelle dans la zone, tu recontes ton bif. La bataille, la médaille. C'est moi, je travaille au charbon en mission, addition, finition.